à la Hesse. On atteint les jours de paye, on envoie peu à la thèse. Que des joueurs de play. Si tu as trahi tes potos, dis-toi qu'un jour tu le payes. Rien ne sert de faire des choses, pour faire des choses qui payent. Ça parle que de bif, de crâne de fendu. On te barre la carte grise, la caisse est vendue. Tout le monde à l'affût quand la meuf est tendue. En un coup tu finis sur le sol étendu. Ne joue pas les bandits, car trop vite les petits ont grandi. Je te l'avais dit, n'écoute pas les ondis. T'as donné ta confiance, mais bon il t'a menti. Moi si tu trahis gros tu finis maudit. De nos jours faut compter sur soi. On fait pour les autres ce qu'on fait pas pour soi. Je sais que parfois c'est difficile de prendre sur soi. Apprends à donner pour toi quand tu reçois. On fait la dette, et puis ça vaut rien. Trop de prise de tête, mais trop souvent pour rien. On vit dans un monde fêlé. Ne dis pas les choses fêlées. Si t'as dit d'être pêlé, ça sera trop tard après le délai. On vit dans un monde fêlé. Ne dis pas les choses fêlées. Si t'as dit d'être pêlé, ça sera trop tard après le délai. De nos jours, trop de vis là. Sors le schlas, c'est des coupes que des gis larges. On met la substance nocive dans le riz là. Oh vas-y pour tomber le feu, je t'autorise là. Parfois je me dis qu'ailleurs c'est pire quand c'est la crise là. Remets la chose à sa place, tu l'as prise là. Il faut que je vise là, je te parle pas de rap là. Rien à la banque, tout est caché sous le matelas. Faut que tu t'arrêtes là, devant des barrettes gros. Le shit ne paye pas, sauf si tu ramènes gros. Il faut en faire, mais faut jamais en perdre trop. On fait des trucs de fou normal et pour te serre trop. On se fait mal à la tête, trop de soucis. S'ils ont réussi, on peut réussir aussi. Si t'as balancé pour toi, ça sent le roussi. Le usine, rafale de poussi. On s'en fume la tête, et puis ça vaut rien. Trop de prise de tête, mais trop souvent pour rien. On vit dans un monde fêlé. Ne dis pas les choses fêlées. Si t'as des dettes pêlées, ça sera trop tard après le délai. On vit dans un monde fêlé. Ne dis pas les choses fêlées. Si t'as des dettes pêlées, ça sera trop tard après le délai. De nos jours ça trahit pour même pas NBA. Avant ça parlait de game, maintenant on y est. Pour toi c'est la Liga One, rap, pas de NBA. Gros moi tu n'iras pas loin qu'avec NBA. Pour toi rien ne sert de nier, c'est la preuve de contredit. Ne fais pas le faux, on sait que t'en as trop dit. Pour nous c'est la même du lundi au vendredi. Je reste toujours le même, je consomme toujours le produit. Pour l'inspiration, laisse parler ta folie. Tu parles en dit que ta mère, encore on est poli. Je m'en bats les couilles, je suis pas là pour écouter tes conneries. Y'a celle qui reste de marbre, pendant que les conneries. Ça fait les choses par intérêt. T'as pas intérêt de parler de toute façon un jour ou l'autre. Vous le paierez, c'est pour tous les frères qu'on serré. Tu dois te gérer, c'est pour ceux qui se sont plantés et qui croient s'en gérer. On s'en fume la tête, mais puis ça vaut rien. Trop de prise de tête, mais trop souvent pour rien. On vit dans un monde fêlé. Ne dis pas les choses fêlées. Si t'as des dettes pêlées, ça sera trop tard après le délai. On vit dans un monde fêlé. Ne dis pas les choses fêlées. Si t'as des dettes pêlées, ça sera trop tard après le délai. Allez, allez, allez, ne t'en fais pas, ça va aller, allez, allez. T'étais pas là quand il fallait, fallait, fallait. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez, ne t'en fais pas, ça va aller, allez, allez. T'étais pas là quand il fallait, fallait, fallait. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Ne t'en fais pas, ça va aller, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. On vit dans un monde fêlé. Ne dis pas les choses fêlées. Si t'as des dettes pêlées, ça sera trop tard après le délai. On vit dans un monde fêlé. Ne dis pas les choses fêlées. Si t'as des dettes pêlées, ça sera trop tard après le délai.